après Monaco et Marseille, des biens. Ici Nicolas Martel. Je vous invite du 13 au 16 septembre à venir assister en grand nombre au 48e championnat mondial de pétanque avec plus de 48 pays participants. Également, la tenue du festival des biens extrêmes avec la plus grosse sourcière au monde, la chaise musicale géante, le championnat mondial de pédalo et plusieurs autres activités seront à l'honneur. De plus, en soirée, trois spectacles de Québec Cime, partenaire majeur de l'événement. Pour achat de billets ou informations, consultez le site web et le Facebook de la ville de Lévis. On va parler de UFC avec notre ami Claude Perron. C'est le UFC 228 qui a lieu demain. Ça a lieu au Texas. On en parle avec Claude Perron. Salut Claude. Salut Denis, ça va? Ça va bien, ça va bien. Claude, UFC 228 déjà. Et la finale promet d'être bonne. Tyron Woodley qui est un des bons combattants qui va affronter Darren Till. Ça risque d'être très bon, ça. Oui, c'est une très bonne carte. Il y a deux, trois bons combats. Il y en a d'autres des moins connus. Mais c'est sûr que la finale, écoute, avec Woodley, ça va être super intéressant. Woodley, on sait qu'il est champion. Ça fait déjà une couple de fois qu'il défend sa ceinture. On sait qu'il chicane souvent avec Dana White. Il a l'air d'avoir un bon caractère, mais il est bon. C'est un très bon athlète. Contre Darren Till. Darren Till, bon, c'est un bon combattant, sauf que je pense que c'est un gros step pour lui. Là. Il a vraiment pas eu dans sa carrière la même opposition que Tyron Woodley a eu. Par contre, passé le KO à plusieurs le plus connu, c'est Cowboy Cerrone. Sinon, il a fait quelques bons combats, mais je pense que c'est un gros test pour lui. OK. Donc, tu prévois quoi? Tu prévois une victoire de Woodley? Oui, une victoire de Woodley. Là, probablement avant la limite, là, il doit finir ça peut-être par, je sais pas, ground and pound ou KO, je sais pas, mais je vois mal comment est-ce que Darren pourrait gagner, mais bon, on se fait surprendre régulièrement. OK. Il y a un bon combat également qui va affronter, c'est un Russe, Zabid Mogamed Sharipov face à Brendan Davis. Ouais, ben écoute, on va l'appeler Zabid, là, ça va être moins compliqué. Oui. Mais c'est tout qu'un striker. C'est quelqu'un qui aime les gars à point pied, là. C'est toute qu'une machine. Le gars, il est vraiment, comme on dit, off the chart, là. Même parmi les pros, là, ceux qui s'entraînent avec, puis ça le disent, là. C'est extraordinaire. Le gars, il a un talent debout extraordinaire. Son sol s'améliore. Il a fait des très bons combats dernièrement. C'était beau à voir. Même au sol, il était beau à voir. Fait que il va être impressionnant. Okay. Donc, je pourrais voir un KO de sa part. Puis, je dis aux amateurs qui vont nous écouter, là, ce gars-là, il est à surveiller parce que c'est toute une machine de debout. C'est quoi? Ça fait combien d'années qu'il est dans l'UFC? Ça fait quand même... Non, ça fait pas longtemps qu'il est dans l'UFC. Lui, je pense que ça fait 2-3 combats. Ouais, pas plus que ça, hein? Non, sinon il arrivait d'ailleurs. Puis lui, il arrive, bien sûr, c'est un gars de debout au départ, là. Mais c'est tout qu'un combattant. Ouais. Donc, c'est très, très intéressant, donc, surveiller. L'autre, c'est... il y a un combat de femme, Jessica Andrade contre Carolina Kowalczyk, c'est ça? C'est bien ça? Donc, Ça ressemble à ça. Alors, écoute, c'est des bons combats. Ouais. Jessica Andrade a déjà été... s'est déjà battue pour la ceinture, puis tout ça, donc c'est une très bonne combattante. C'est deux femmes qui sont, qu'on pourrait dire, assez bonnes partout, là, si on veut. C'est sûr que peut-être que... Non, c'est pas mal ça. Ils sont pas mal de... Pas mal égal. Ça va être un bon combat, mais je pense que l'expérience d'Andrade va faire qu'elle devrait nous gagner ça. OK. Donc, ça fait pas mal le tour. Y a-t-il d'autres choses intéressantes? Ben, il y a John Dodson qui se bat en préliminaire, je crois. John Dodson, c'est celui qui s'est battu deux fois contre Mighty Mouse à 125 livres. Il est très, très, très bon, ce combattant-là. Il est spectaculaire. C'est sûr que c'est pas des pesants. Puis, il a déjà gelé une coupe quand même à 125 livres. Ça fait qu'il est intéressant à regarder. Puis il y a aussi, d'un vieux de la vieille, là, il y a une couple, là, il y a Diego Sanchez là, qui a souvent eu des Fight of the Night. Là, ce gars-là, il a juste une vitesse, c'est par en avant, donc ça va être un combat intéressant sûrement. Puis aussi Jim Miller, là, un gars qui est très complet, très bon au sol aussi, il est sûr qu'il est plus peut-être à son prime, là, mais qui est encore très intéressant à regarder. OK, donc ça va être très intéressant. Bon, deux nouvelles dans l'UFC. J'avais hâte de t'en parler parce que on ne s'en est pas parlé. Ça fait quand même un mois qu'il n'y a pas eu de UFC qui a un numéro. On se parle au UFC quand il y a toujours un UFC numéro. Mais là, je veux te parler d'un combat. Le Toujours dans le temps des fêtes, Dana White présente un combat, un UFC très intéressant. Puis là, cette année, là, c'est un combat de femmes qui va avoir lieu. C'est dans le cadre du UFC 232 qui va être présenté à Las Vegas. Chris Cyborg contre Amanda Nunes. Ça risque d'être une méchante bombe, ça. Ben oui, j'étais un peu surpris parce qu'en tout cas, il me semblait que Nunes, qui est championne présentement à 135, si je ne m'abuse, ça n'avait pas l'air trop à y tenter, là, elle, puis c'est son plan de combattre contre Cyborg. Donc, oui, ça risque d'être un bon combat, mais je pense que Cyborg est trop grosse, trop forte. Non, oui, t'as pas de l'air plus enthousiaste qu'il faut. Non, je pense que ça va être un combat vraiment one-way. OK. Et Georges Saint-Pierre qui est sorti encore une fois. Moi, écoute, Georges, il est sorti pour se monter très, très ambigu encore son avenir. Moi, j'ai de la misère à croire que Georges Saint-Pierre est sorti de sa retraite juste pour un combat. Tout ce qu'on rêve, c'est d'un affrontement historique contre Conor McGregor. Penses-tu que ça va arriver? Ben, il commence à faire de la promo pas mal fort pour ça. Ça fait que j'ai l'impression que c'est ça qu'il veut parce que, bon, première des choses, c'est un bon match-up pour lui. Ouais. Il va être plus gros, il va être plus fort. Puis Georges, ça peut être un cauchemar contre un gars comme McGregor. En plus, Georges a quand même un bon stand-up. Il est quand même assez dur à toucher. Puis le karaté, il en a fait beaucoup aussi. McGregor a un style karaté un peu doux. Quand même, il y a des drôles d'angles, en tout cas, mais moi, je pense que ça va être un money fight. Puis en plus, à mon avis, c'est moins dangereux qu'un combat contre Bisping. Bisping, c'était plus dangereux que McGregor, pas mal. OK. Puis ça risque d'être très payant. Là. Ça risque d'être... Oui, ça serait le combat du siècle dans l'UFC. Ah, regarde. Puis à quelque part, on a besoin de ça. Il me semble que... Puis est-ce que ça pourrait être une trilogie? Oh, peut-être. Ouais. Peut-être. Mais comme je te dis, moi, j'aurais l'impression que ça serait vraiment un combat one way, mais... On va voir, là, mais c'est sûr que ça va probablement se passer. Genre, c'est sûr, il y a encore un an ou deux, là, puis après ça, il va arrêter ça. McGregor, lui, il va chercher rien qui est gros shot aussi. Fait que c'est quelque chose de faisable, c'est sûr, peut-être un poids entre les deux, je sais pas, mais ce serait le fun. Ah, regarde, ce serait le fun. Claude, on s'en parle pour le 230. C'est bien beau, Danny. Claude Perron, notre spécialiste du UFC.